Chapitre 7e. 4 ans environ se sont écoulés depuis les événements que nous avons racontés. L'hiver sévit rudement, le froid est âpre, le ciel gris est morne. Une femme s'avance rapidement dans la rue de Vaugirard, s'arrêtant çà et là pour consulter du regard les numéros des maisons, comme si elle eût cherché une adresse. Cette femme, vêtue de deuil, paraît âgée de 22 ou 23 ans. Grande, svelte, très brune, elle a de grands yeux noirs, pleins d'expression et de feu. Ses traits sont beaux, quoiqu'un peu fatigués. Sa physionomie, vive et mobile, révèle tour à tour une tristesse amère ou une inquiétude pleine d'impatience. Sa démarche saccadée, quelquefois brusque, décèle aussi une vive agitation. Lorsque cette jeune femme eut parcouru à peu près la moitié de la rue de Vaugirard, elle interrogea de nouveau du regard les numéros du côté impair, et étant arrivée en face du numéro 57, elle s'arrêta, tressaillit, et porta la main sur son cœur comme pour en comprimer les battements. Après être restée quelques moments immobile, elle se dirigea vers la porte cochère, puis fit une nouvelle pause avec une hésitation marquée. Mais, ayant aperçu des écriteaux annonçant plusieurs appartements à louer dans cette maison, elle entra résolument et s'arrêta devant la loge du portier. « Vous avez, monsieur, des appartements à louer ?»« Oui, madame, le premier, le troisième et 2 chambres séparées. » »« Le premier serait sans doute trop cher pour moi. Le troisième me conviendrait mieux. De quel prix est-il »« 600 francs, madame, au dernier mot. » »« Il est tout fraîchement décoré, il n'y a plus que les papiers à poser. » Et de combien de pièces compose-t-il? Une cuisine donnant sur l'entrée, une petite salle à manger, un salon et une belle chambre à coucher avec un grand cabinet, où l'on peut mettre un lit pour une domestique. Si madame veut monter, elle verra par elle-même. Avant toute chose, je désire savoir qui habite cette maison. Je suis veuve, je vis seule, vous comprenez pourquoi je vous fais cette question. C'est tout simple, madame. La maison est d'ailleurs des plus tranquilles. Le premier est vacant, comme je vous l'ai dit. Le second est occupé par un professeur à l'école de droit, homme bien respectable, ainsi que sa dame. Ils n'ont pas d'enfants. Le troisième est l'appartement que je propose à madame, et le quatrième, de 2 petites pièces et d'une entrée, est loué par un jeune homme. Quand je dis jeune homme, c'est une manière de parler, car M. Michel Renaud doit avoir de 26 à 28 ans. Au nom de Michel Renaud, la jeune femme, malgré le grand empire qu'elle avait sur elle-même, rougit et pâlit tour à tour. Un sourire douloureux contracta ses lèvres, et ses grands yeux noirs semblèrent briller plus ardents sous leurs longues paupières. Dominant pourtant son émotion, elle reprit d'une voix calme et d'un air indifférent. « L'appartement du troisième est donc immédiatement au-dessous de celui de ce monsieur ?»« Oui, madame. »« Et ce monsieur est-il marié ?»« Non, madame. » Encore une fois, il ne faut pas vous étonner des questions que je vais vous adresser, mais je dois vous dire que j'ai horreur du bruit au-dessus de ma tête et que je redoute fort la mauvaise compagnie. Or, je désirais savoir si mon futur voisin n'a pas, comme tant d'autres jeunes gens, des habitudes bruyantes et de ces connaissances un peu légères qu'il me serait fort désagréable de rencontrer sur l'escalier en sortant de chez moi ou en y rentrant. Lui ? S'écria le portier avec un air de récrimination. « Monsieur Michel Renaud recevoir des demoiselles ? Ah, madame, madame !» Il joignit les mains. Une lueur de joie et d'espérance éclaircit un instant la triste physionomie de la jeune femme, qui reprit avec un demi-sourire. « Je suis loin de vouloir calomnier les mœurs de ce monsieur, et l'étonnement que vous cause ma question me paraît rassurant. « Monsieur Michel Renaud, madame, est rangé comme il n'y en a pas. Tous les jours que le bon Dieu fait, dimanche et fête, il sort de chez lui à 3h30 ou 4h du matin, au plus tard, ne rentre qu'à minuit et ne reçoit jamais de visite. Je le crois. Il faudrait qu'elle fût singulièrement matinale, dit la jeune femme, qui parut très vivement frappée de ces détails. Comment ? Tous les jours ce monsieur se lève aussi matin ? Oui, madame, été comme hiver, rien ne l'arrête. « Mais, reprit la jeune femme, comme si elle ne pouvait pas croire à ce qu'elle entendait, c'est donc un prodige d'activité que ce monsieur. Je ne pourrais pas vous dire, madame, tout ce que je sais, c'est qu'il est aussi matinal qu'un coq de village. Et sans indiscrétion, monsieur, reprit la jeune femme, de plus en plus stupéfaite de ce qu'elle apprenait. « Quelle est donc la profession de ce monsieur qui sort chaque jour de chez lui à 3 ou 4 heures du matin et qui ne rentre qu'après minuit ?»« Vous m'en demandez là, madame, plus que je n'en sais. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce locataire-là ne sera pas gênant pour vous. » Assurément, je ne pouvais rencontrer un voisinage plus à mon goût, mais franchement, il est impossible que vous ne connaissiez pas la profession de votre locataire. Que voulez-vous que je vous dise, madame? Depuis 3 ans que M. Renaud demeure ici, il ne lui est venu qu'une lettre adressée à M. Michel Renaud tout court, et il ne reçoit âme qui vive. Mais il n'est pas muet. Ma foi, madame, il n'en vaut guère mieux. Quand il sort, je suis couché, quand il rentre, idem. Le matin, il me dit « Cordon, s'il vous plaît », et le soir, en prenant sa lumière, « Bonsoir, Monsieur Landry, c'est mon nom. » Voilà toutes nos causeries. Ah si, pourtant, j'oubliais. Qu'oubliez-vous ? La veille du terme, il me dit, le soir, en déposant ses 60 francs sur ma table, « Je mets là l'argent du terme, Monsieur Landry. » Si le lendemain soir, je lui dis « La quittance est à côté de votre bougeoir, Monsieur Renaud. » Il la prend, me dit « Merci, Monsieur Landry. » Et en voilà pour 3 mois. Il est impossible en effet d'être moins communicatif, et la simple curiosité ne vous a pas donné l'envie de tâcher de pénétrer le secret de cette existence vraiment assez mystérieuse? N'a-t-il pas quelqu'un qui le sert? Non, madame, il fait lui-même son ménage, c'est-à-dire qu'il fait son lit, cire ses bottes, bat ses habits et balaye sa chambre. Lui ne peut s'empêcher de s'écrier la jeune femme avec un nouvel accent de stupeur, puis se reprenant, elle ajouta « Comment ce monsieur prend tant de peine ?»« Dame, » reprit le portier, qui parut surpris de l'ébahissement de la jeune femme. « C'est tout simple. Tout le monde n'a pas 50 000 livres de rente, et quand on n'a pas de quoi se faire servir, il faut se servir soi-même. »« C'est très juste, monsieur, » dit la jeune femme en deuil en reprenant son sang-froid. « Mais êtes-vous quelquefois entré chez ce monsieur ?»« 2 fois, madame. » « Il n'y a rien d'extraordinaire dans son appartement ?» « Ma foi, non, madame. Il n'habite qu'une des 2 pièces. L'autre n'est pas seulement meublée. » « Et dans sa chambre, rien n'a pu vous faire deviner quelle était sa profession. »« Mon Dieu, c'est une chambre comme toutes les chambres, madame. Meublée en noyer, très propre. Un lit, une commode, une table, 4 chaises, voilà tout. » « En vérité, monsieur, » reprit la jeune femme, sentant bien que ses questions et surtout ses étonnements devaient sembler étranges. Je m'aperçois un peu tard que je suis d'une indiscrétion rare, mais vous la comprendrez, car je suis certaine que depuis que vous avez des locataires dans cette maison, vous n'en avez pas eu un pareil à ce monsieur. Pour ce qui est de cela, madame, c'est la pure vérité. Mais comme M. Michel Renaud paye son terme rubis sur l'ongle, comme il n'y a pas de locataire moins gênant, vu qu'il ne reçoit pas un chat, je me dis, ma foi, qu'il soit ce qu'il voudra. Maintenant, madame veut-elle voir l'appartement ? « Certainement, car après tout, je trouverai difficilement, je crois, une demeure plus à ma convenance. »